Hey, mais tu me disais que seul Dieu pouvait te juger. J'ai pas compris quand j'ai su que tu sortais avec qui tu sais. En fait, c'était qu'une façade, des fausses valeurs trouvées sur le net. Même grillé, t'avouais pas, non, t'étais même pas honnête. Cette erreur, je la pardonnerai pas, et je m'en veux. Ta bouche rêvait d'ailleurs, et ton cul était en feu. Négatif, ton pseudo, je te jure que je voulais changer de place. Je voulais me venger, mais je suis pas comme toi, j'ai juste tourné la page. Je regrette d'avoir essayé, car j'oublie pas que tu m'as trahi. Je croyais en tes valeurs, mais t'as profité de ma confiance naïf. Flirter avec toi, c'est flirter avec l'ange du péché. Sur le marché de l'amour, t'as bien prouvé que t'étais pas cher. Je sais que tu rêves de retrouvailles, pour moi ce serait mon pire cauchemar. En plus, tu tentes, t'as de l'espoir, tu me fais taper des grosses barres. Je suis fier de mon parcours, y'a juste ta trace qui fait tâche. Je t'ai supporté 2 ans, à croire que je kiffe les tasses. Tu sais, dès le départ, j'savais que t'étais pas la bonne. T'es comme toutes ces buts, à la recherche de toi, c'est toi ou elle seule. À côté, tu fais pas le point. Y'a plus de toi et moi, alors s'il te plaît, oublie-moi. J'ai tellement écrit sur toi des mesures de souhait dans une mort sombre. J'avais l'instru mais pas le courage pour en faire un morceau. Je dirais pas que t'es une pute parce qu'en fait t'as pas de tarif. Écoute, va sucer qui tu veux, eh hey, moi je m'en bats de taille. J'étais jeune, tu m'as fait croire que l'amour était unique. Déception de jeunesse, t'as fini par te vendre, c'était critique. Une trompeuse reste une trompeuse, tu te feras faire ta devise. Et sale pute, fais pas ta vierge, t'as autant d'ex que de vice, eh hey. T'as connu plus de bouche que mon dentiste. Mon test trompeuse qui a faim à cause de toi, les meufs m'attristent. C comme catin, F comme fausse, de jolies initiales. Au final j'en conclus que l'amour ça finit mal. J'espère que t'en pleureras toutes les larmes de ton corps sale. Quelques phrases pour 2 ans, tu mérites pas plus que ça. Et si je te consacre un morceau, fais pas ta meuf excitée. Parce qu'à partir de maintenant, pour moi t'as pas existé, hey. Tu sais, dès le départ, j'savais que t'étais pas la bonne. Comme toutes ces buts, à la recherche de toi, c'est toi ou elle seule. À côté, tu fais pas le point. Y'a plus de toi et moi, alors s'il te plaît, oublie-moi. Et si tu crois qu'à la fin, je vais lâcher un petit je t'aime, tu trompes, les prochaines fleurs que je t'offrirai, ce sera des chrysanthèmes. Arrête de dire à ton mec que c'est l'homme de ta vie, tu m'as déjà dit, et faut que je lui dise, yo, tu mens comme tu respires. Dans mon premier album, j'aurais pas dû te mettre sur le poitier, t'as trompé la moitié de la France avec l'autre moitié. Grosse mytho, t'as presque dit que sur ses lèvres t'as dérapé. Tu sais, tu crois en Dieu, mais tout le monde sait que tu le verras pas. Je regrette d'avoir fait 105 jours, d'avoir écrit ces lettres d'amour. Je voudrais que tu souffres dans l'infini pour écaler ce qui me suit chaque jour. Cet handicap que t'as fait naître, voyant que 2 mois valait 1 an. Je croyais en toi, mais ton côté pute a pris l'ascendant. C'est à toi que je coach, je m'en bats les couilles, ton cœur explose. C'est de la haine à haute dose, moi je suis passé à autre chose. Vas-y, remballe ton passé, je te l'ai dit, j'ai zappé le mien. Parce que ce que je ressens pour toi, en vérité, ça s'appelle à rien. Tu sais, dès le départ, j'avais que t'étais pas la bonne. T'es comme toutes ces buts, à la recherche de toi, c'est toi ou elle seule. À côté, tu fais pas le point. Y'a plus de toi et moi, alors s'il te plaît, oublie-moi. Tu sais, dès le départ, j'savais que t'étais pas la bonne. T'es comme toutes ces buts, à la recherche de toi, c'est toi ou elle seule. À côté, tu fais pas le point. Y'a plus de toi et moi, alors s'il te plaît, oublie-moi. Si j'ai pas donné ton nom, ton adresse, ton prénom, tout ça, c'est par respect. Uniquement par respect. Négatif, tu cartonnes.